n'est pas si aisé de vous quitter, Angélique. Mais je vous débarrasserai de lui. Quelle perte ! Un homme qui lui faisait sa fortune ! Il y a des antipathies insurmontables. Si Angélique est dans ce cas-là, je ne m'étonne point de son refus. Et je ne renonce pas au projet de l'établir avantageusement. Oh, monsieur, ne vous en mêlez pas. Il y a des gens qui ne voient que vous portez Guignon. Vous portez Guignon ? Avec les intentions que j'ai ? Et qu'avez-vous à reprocher à mon amitié ? Son amitié. Le méchant homme. Dites-moi, de quoi vous vous plaignez ? Moi, monsieur, me plaindre ? Mais qui est-ce qui y songe ? Où sont les reproches que je vous fais ? Me voyez-vous fâché ? Je suis très contente de vous. Vous en agissez, on ne peut pas mieux, commandant. Vous m'offrez des maris tant que j'en voudrais. Vous m'en faites venir de Paris sans que j'en demande. Y a-t-il rien là de plus obligeant, de plus officieux ? Il est vrai que je laisse là tous vos mariages. Mais aussi, il ne faut pas croire, à cause de vos rares bontés, qu'on soit obligé, là, vite et vite, de se donner au premier venu, que vous attirerez de je ne sais où et qui arrivera tout botté pour m'épouser sur votre parole. Il ne faut pas croire cela. Je suis fort reconnaissante, mais je ne suis pas idiote. Quoi que vous en disiez, vos discours ont une aigreur que je ne sais à quoi attribuer, que je ne mérite point. Ah, j'en sais bien la cause, moi, si je voulais parler. Hmm ? Qu'est-ce que c'est que cette science que vous avez ? Que veut-elle dire ? Ah, écoutez, Lisette, je suis naturellement douce et bonne. Un enfant a plus de malice que moi. Mais si vous me fâchez, vous m'entendez bien. Je vous promets de la rancune pour 1000 ans. Si vous ne vous plaignez pas de moi, reprenez donc ce petit présent que je vous avais fait et que vous m'avez rendu sans me dire pourquoi. Pourquoi ? C'est qu'il n'est pas juste que je l'aie. Le mari et les bijoux étaient pour aller ensemble. Et en rendant l'un, je rends l'autre. Vous voilà bien embarrassée. Gardez cela pour cette charmante beauté dont on vous a apporté le portrait. Je lui en trouverai d'autres. Reprenez ceci. Non, qu'elle garde tout, monsieur, je les jetterai. Et moi, je les ramasserai. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que je songe à vous marier et que malgré ce que vous m'avez dit tantôt, il y a quelque amour secret dont vous me faites mystère. Mais cela se peut bien. Eh bien oui, monsieur, voilà ce que c'est. J'en ai pour un homme d'ici. Et quand je n'en aurai pas, j'en prendrai à tout exprès demain pour avoir un mari à ma fantaisie.